T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, épisode numéro 405 aujourd'hui. Nous sommes le 2 février 2019, si nous écoutez en rediffusion, on sera le dimanche 3 février 2019. Et on a des gros dossiers aujourd'hui, des gros dossiers à vous proposer. Évidemment le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et au niveau des dossiers, eh bien, on parlera notamment du festival d'Angoulême, festival de la bande dessinée, c'était la 46e édition. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour, je vous ai ramené quelques interviews, quelques impressions de là-bas. Et puis on parlera un petit peu aussi du festival du film de Mons, qui va commencer dans 15 jours. D'ici là, eh bien, on va commencer en musique, évidemment, avec, dans l'ordre inverse, Bright Garden Addicted, Brass Phantom, c'est une nouveauté, on les écoutera avec le morceau Indigo. Et puis on va commencer tout de suite cette émission avec le groupe Very Loud Death, et un morceau qui s'appelle quant à lui Lanterns. Restez bien à l'écoute, ne changez rien, on est ensemble jusqu'à 18h30. when the nurse collected. Horrors now, lines rejected. More now, less expected. Make more the test and lecture. Hesitate by your specter. Cynical thoughts. Cynical thoughts. You all recognize. You all recognize. You all recognize. The problem isn't here. This is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. And you're Chase Ray, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Mark Lassiter, and you're listening to Planet Indie. Oui, ils étaient impatients de partir. Bright Garden avec Addicted. We'll be right back. Voilà, à l'instant dans nos oreilles, c'était le groupe Bright Garden avec le morceau Addicted. Et avant cela, on écoutait une nouveauté, puisque c'est la première fois qu'on les écoutait. Il s'appelle Brass Phantoms et il nous emmenait du côté de l'Indigo. Et puis on a commencé cette émission numéro 405 de Planet Indie avec le groupe Very Loud Death. On les connaît maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on les écoute. Et le morceau Lanterns. Alors, en commençant justement cette émission, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, que j'avais eu la chance d'aller à Angoulême faire un petit tour du côté du festival de la bande dessinée. J'en ai fait un petit reportage, j'ai fait quelques interviews pour vous. Et donc voilà, je les ai répartis un peu plic-ploc au cours de cette émission. On va écouter donc le premier extrait. Alors, il s'agit de l'interview de... Attends, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver tout de suite. En tout cas, c'était un des responsables d'un stand un peu particulier, j'ai trouvé, parce que c'était pas vraiment un stand commercial. Ils ne vendaient rien. D'ailleurs, ils distribuaient gratuitement leur production. C'était un stand financé par l'Union européenne, et bien qui... en gros, finance des associations entre des artistes et des chercheurs qui pourraient vulgariser, voilà, on va dire, les recherches scientifiques à travers le moyen de la bande dessinée. Allez, je vous laisse découvrir et écouter plus en entier donc cette petite interview. RC Comics, c'est un projet de bande dessinée à caractère scientifique qui est financé par la communauté européenne. Donc c'est un projet sur 4 ans et le but, c'est de faire travailler ensemble des artistes et des chercheurs financés par l'ERC, qui c'est l'Agence européenne de la recherche. Et c'est un projet qui a démarré donc il y a 3 ans à peu près, et pour le moment en fait on a démarré d'abord sur un site web qui c'est ircomics.com, sur lequel on publie toutes les semaines des épisodes de bande dessinée caractère scientifique, et pour le moment il y a 12 BD en fait qui sont en ligne. Mais pour le festival d'Angoulême, on a décidé d'imprimer en fait des livres qui racontent les deux premières saisons de ce projet. Donc il y a 2 livres, chaque livre contient 4 bandes dessinées, et en fait le but, c'est vraiment de faire travailler chercheurs et artistes ensemble. Donc en fait le chercheur doit faire un effort de simplification pour expliquer effectivement aux artistes qu'ils font, et les artistes doivent de leur côté trouver la manière de raconter ces histoires au public. Donc c'est vraiment une manière de raconter différemment la recherche au public sans forcément être trop pédagogique, mais vraiment pour s'inspirer des projets de recherche pour intéresser le public. Les chercheurs et les artistes sont sélectionnés avec des appels d'offres qu'on fait tous les ans. On reçoit des candidatures de la part de chercheurs qui ont reçu un ERC, donc un financement européen, et on les associe avec des artistes qui nous envoient leur travail, leur book, et donc nous on les sélectionne, on les fait collaborer. Et donc c'est un projet qui va durer encore un an, un peu plus d'un an, et donc à la fin sur le site on aura 16 BD, et voilà, si vous venez à notre stand, vous allez trouver donc les deux volumes qui sont distribués gratuitement. Donc ici on a la version papier, et sur le site tout le monde peut trouver la version électronique. Exactement, donc allez-y sur yercicomics.com et vous pouvez trouver plus de BD qu'il y en a sur le stand, parce que là on est à K8 tandis que sur le site il y en a 12. Voilà, c'était l'interview de, j'ai retrouvé son nom, Massimo Colella, donc du stand de IRC Comics. C'était assez amusant parce qu'ils étaient à l'entrée du grand... C'est pas un chapiteau, ils appellent pas des chapiteaux, ils appellent ça des bulles. C'est des tentes en dur, plus ou moins, qui sont installées. Et alors, c'était juste avant l'ouverture du vendredi, donc il y avait déjà eu la journée du jeudi. Et puis là, c'était je les avais repérés le jeudi, et puis j'avais pas de quoi enregistrer à ce moment-là. Donc je suis revenu le vendredi les voir et faire ce petit entretien. Et alors c'était juste avant 10h du matin, l'heure à laquelle ça ouvrait. Alors il y avait déjà une file monstrueuse, et donc on était en train d'enregistrer avant l'ouverture officielle. Et puis dès que sur les coups de 10h, tout a été ouvert, ça a été la rue et tout le monde s'est précipité dans le chapiteau. On a dû refaire l'entretien une deuxième fois tellement il y avait du bruit. Enfin bon, première interview donc, c'était celle de Massimo Colella de IRC Comics. Et puis donc il vous a parlé de leur site internet ircomics.com, où vous pouvez retrouver gratuitement bien les bandes dessinées dont il a parlé. On vous mettra aussi sur la page Facebook de Planète Indie les différents liens internet où vous pourrez retrouver les contacts des personnes qu'on va entendre au cours de cette émission. On va d'ici quelques minutes retourner découvrir notre album Powerplay. Avant cela, on va encore écouter un autre morceau. Il s'agit du groupe Skittish avec We're All Crazy. On est tous complètement cinglés. Back when we were at Boy Meets Girl, outsiders in an inside world, hesitation at the notion that maybe I am the strange one here. Now I welcome you to my head. Wipe your shoes and excuse the mess. I made a spare key to my psyche just for you, and show your mind if you're sure but yours. Simply play along and let the benefits keep coming. And I'm the driver of a speeding car, leaning into every turn real hard. The horizon is approaching rapidly, and I cannot stop to ask the way. Ooh, what would you do if you knew you're thinking what I'm thinking? What would you do if you knew you're thinking what I'm thinking? Ooh. jusqu'au bout. C'était le groupe Skittish avec We're All Crazy. Il est 17h, pratiquement 22 minutes. Vous écoutez Planet Indie, nous sommes ensemble, comme vous le savez très certainement si vous nous êtes fidèles et si vous nous découvrez. Et bien comme ça, vous allez le savoir, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL pour découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis nous serons aussi rediffusés demain dimanche aux mêmes heures, donc entre 17h et 18h30. Alors, si vous nous êtes fidèles, vous le savez aussi, donc nous avons l'habitude d'écouter un album powerplay, donc on écoute trois morceaux au cours de ces 90 minutes. Et l'album du jour nous emmène du côté des États-Unis avec un artiste qui est en train de devenir l'un des travailleurs les plus acharnés du monde ou de la communauté de la musique americana. Il s'appelle Bobo Burns. Et c'est un musicien qui ne reste pas tranquille très très longtemps. Hein. Il n'aime pas rester à rien faire. Entre ses shows avec les groupes avec lesquels il joue, à savoir The Fallen Stars, Riddle and the Stars, et ses performances en solo, Bobo Burns, il joue à peu près 150 concerts par an. Donc ça fait pratiquement un concert tous les deux jours. Il n'est pas surprenant dès lors que ces chansons elles naissent sur la route et elles nous parlent de la vie sur la route. Il ne faut pas aller plus loin que le morceau Heart Like Mine, dans lequel il explore ce thème en chantant à propos des routes qu'il prend et qu'il emmène de concert en concert. Bobo Burns, son histoire est une histoire de succès dans le monde du rock et de la country alternative qu'il continue à explorer dans ce nouvel album qui s'intitule Two Signs to This Town. Et donc c'est notre powerplay aujourd'hui. Bobo Burns est aussi un artiste très talentueux. Il fait pratiquement tout à lui tout seul. Hein. C'est pratiquement un groupe à lui tout seul puisqu'il joue de la guitare, des claviers, il joue de la mandoline et il chante. Donc il sait tout faire, cet homme-là. On va en écouter un premier extrait. Le morceau que j'ai choisi pour commencer, s'intitule Summer Wine. C'est pas totalement d'actualité, mais pourquoi pas. Summer Wine. Je vous mettrai aussi une vidéo sur notre groupe Facebook. Et puis, place à la musique. On va l'écouter avec ce morceau. Et là, je vous rappelle le nom de l'artiste. Il s'appelle Bobo Burns. Power play. Power play. Summer wine. Suédois les Plastic Pals avec un morceau qui s'appelle Connecting, un très très bon morceau extrait d'un tout aussi bon album, je vais dire. L'album s'intitule Psychic Reader et ce sera probablement un power play dans cette émission. au cours d'une prochaine émission, peut-être même déjà le mois prochain, on verra bien. D'ici quelques minutes, retour sur le festival d'Angoulême, retour sur notre album Powerplay. Mais avant cela, je vous propose d'écouter encore un morceau. Il s'agit d'un extrait du nouvel album des groupes Les Pink Dust. Eux, alors là, ils pondent des albums à la vitesse VV'. L'album s'appelle Ming. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et nous, on va écouter le morceau intitulé Come Back to Me. Après cela, retour pour un deuxième extrait de mes aventures du côté d'Angoulême. Pink Dust avec Come Back to Me. À peu près une semaine avant le début du festival d'Angoulême et mon arrivée sur place, j'ai été contacté par email par une personne qui s'appelle Katia Evan, qui me proposait eh bien, de découvrir sa nouvelle bande dessinée. Le titre de son email était plutôt accrocheur puisqu'elle parlait d'une bande dessinée comico-érotique, donc ça a attiré un peu mon attention. J'ai été voir un peu de qui était cette personne. Eh bien, elle est scénariste, elle est dessinatrice. Enfin, là-bas, ils appellent ça une autrice. Pour nous, on dit plutôt auteur, mais là-bas, ils disent autrice. Et donc, elle me faisait un peu découvrir son nouveau projet de BD. Cette BD qui sortira en 2020 s'appelle Le Petit Derrière de l'Histoire. Et donc, elle retourne dans l'histoire de façon comme explicité, de façon érotico-comique. Je vous parle de cette BD qui va sortir seulement en 2020 parce que, eh bien, elle est offerte en financement participatif pour pouvoir être édité sur le site ulule.com. Je vous mettrai donc le site où vous pourrez aller voir ce projet sur notre groupe Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. Le dessin est assez sympathique, moi j'ai eu un petit extrait avec quelques pages, donc c'est bien dessiné, c'est sympa. Allez voir et puis n'hésitez pas à participer si ça vous, si ça vous chante, hein. C'est un projet intéressant. Après cela, eh bien, j'avais reçu une invitation pour aussi avec un titre accrocheur, petit déjeuner belge ou quelque chose dans le style. Donc je me dis, tiens, les Belges, ils font quelque chose de particulier. Donc je me suis inscrit, je vais aller voir. Donc effectivement, c'est dans un petit café bien sympathique. Ça s'appelle chez Marcel et Zézette, pour tout vous dire. C'était très, très, très petit, donc on était vite les uns sur les autres. Le petit déjeuner était sympa, il y avait des bonnes choses à manger, à boire. Et puis, j'ai eu l'occasion, là aussi, de faire rencontrer quelqu'un qui tient une imprimerie, un petit projet d'imprimerie à Bruxelles qui s'appelle Lapa. Et lui, il s'appelle Quentin Pilot. Donc, je vous propose une petite minute trente d'interview de ce monsieur. Je m'appelle Quentin Pilot et puis j'ai trois casquettes, imprimeur, éditeur et illustrateur aussi. Voilà, ça fait 5 ans que je m'occupe de l'imprimerie, l'atelier Lapa. Donc c'est une petite maison d'édition et imprimerie qui est située à Bruxelles. Et on accueille chaque année des auteurs différents, surtout illustrateurs, BDistes, pour faire des projets avec nous à l'atelier, les imprimer avec moi, et ensuite éditer donc en micro-tirage, c'est-à-dire maximum 300 copies, leurs livres. Donc quand eux, ils arrivent à l'atelier, on imprime ensemble, ils choisissent le papier, les couleurs, et puis on y va. C'est parti pour 2 semaines d'impression, 2 façonnages, et après l'auteur repart avec un certain nombre de copies. N'importe quel auteur peut venir se présenter et puis dire voilà, je voudrais bien qu'on tire mon bouquin. Effectivement, ouais, c'est ça. Alors on accueille donc le maximum c'est 5 auteurs par an. Alors c'est à la fois des coups de cœur que nous on a eu, donc on les contacte directement pour leur proposer le programme de résidence, ou alors il y a aussi via l'adresse mail de la maison d'édition, certains auteurs qui nous contactent et puis qui nous proposent un projet, quelques planches, et si on est vraiment partant, le projet se réalise quelques mois plus tard. Super, il y a un site internet éventuellement où on peut avoir des informations complémentaires? Oui, alors le site internet c'est www.lapatelier.com. Voilà, 3xlapatelier.com. Je vous mettrai aussi cette adresse sur notre groupe Facebook. Vous avez pu constater qu'il y avait pas mal de bruit de fond. Donc, c'était dans ce petit endroit sympa qui s'appelle chez Marcel et Zézette. Et c'était le petit déjeuner belge du Festival d'Angoulême. Pas mal de monde et des rencontres intéressantes. On retournera tout à l'heure, on ira un peu plus loin, on ira du côté de Hong Kong, oui, parce qu'il y avait des gens de Hong Kong aussi, donc j'ai fait 2 interviews, ça sera pour dans quelques minutes. Pour l'heure, eh bien, on va retourner à la musique avec une autre nouveauté, c'est la première fois qu'on l'écoute dans cette émission, elle s'appelle Suzy Vinnick, et on l'écoute avec un morceau intitulé « Find Some Freedom », « Trouver la liberté ». Gonna find some freedom, gonna find some peace. Gonna find some freedom, gonna find release. In this world, in my mind, learn to breathe all of the time. Find some freedom, gonna find some peace. Lying on my back, watch the clouds as they pass. Robin wrestles worms from the ground. Little boys are running wild, catching crickets in the grass. Little girls are building clover crowns. Gonna find some freedom, gonna find some peace. gonna find some freedom, gonna find relief. In this world in my mind, I learn to breathe all of the time. Find some freedom, gonna find some peace. Willow in a grass skirt, cool as in the wind. Children slowly stumble and they laugh. Boy kneels by them on the ground, flips a coin and they gather round. Silver dollar shining in his hand. Gonna find some freedom, gonna find some peace. Gonna find some freedom, gonna find relief. In this world in my mind, I learn to breathe all of the time. Find some freedom, gonna find some peace. And where the wind blows, that's where I'm gonna go. Gonna find some freedom, gonna find relief. In this world in my mind, I learn to breathe all of the time. Find some freedom, gonna find some peace. In this world in my mind, I learn to breathe all of the time. Gonna find some freedom, gonna find some peace. Gonna find some freedom. you must sing. It is this life you can be. Il s'appelle Juan Rey et il nous interprétait Cellar Soul, sous-titré Wake Up a Dream. J'espère que bien que cette émission vous plaît, autant la programmation musicale que les à côté, on va dire. N'hésitez pas eh bien, à nous le faire savoir, à nous rentrer en contact avec nous via notre page Facebook. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous allez trouver, ou sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas, un petit coup de téléphone, c'est le 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44. Pour l'heure, eh bien, nous allons retourner sur notre album Powerplay du jour, l'album de Bobo Burns, un album qui s'intitule Two Sides to This Town. Cet album, eh bien, c'est le résultat, eh bien, du calendrier infernal et toujours très chargé de Bobo Burns, son calendrier de tournée. Je vous avais dit tout à l'heure, eh bien, que la plupart des chansons étaient inspirées, eh bien, par les routes qu'il prenait, les routes qui l'emmenaient de spectacle en spectacle, de concert en concert. Toutes les chansons ne sont cependant pas des chansons pour prendre la route, notamment ce morceau Angelia. C'est un morceau, une chanson contemplative et l'une de celles qui donne eh bien, le ton de l'album. Il dit qu'il a... Cette chanson fait notamment référence eh bien, à sa ville d'origine dans laquelle il a grandi étant jeune. Et il y est retourné quelques années plus tard et il ne se sentait plus du tout à la maison. On vous disait que ça donnait le ton de l'album Two Sides to This Town. Il y a deux côtés à cette ville. Cet album eh bien, et ce titre, c'est une sorte de reconnaissance eh bien, qu'il existe actuellement une division aux États-Unis et Bobo Burns eh bien, il cherche des réponses au pourquoi et surtout au comment de cette division. La recherche, c'est un thème commun dans son album. Quel que soit d'ailleurs le sujet de sa quête ou de sa recherche, que ce soit eh bien, donc, une réponse à la division entre les gens, que ce soit une voiture qui ne tombe pas perpétuellement en mille morceaux ou simplement sa recherche du prochain concert. Comme vous avez pu constater, eh bien, sa voix elle est assez charmante et prenante, et ses mélodies sont prenantes. Et c'est souvent des mélodies, on a l'impression, on les entend pour la première fois ou deuxième fois, et on a l'impression qu'on connaît déjà la chanson. Sa musique ressemble plus à celle de Paul Westerberg que celle de Lynyrd Skynyrd dans les références Country Americana. Donc, et puis il y a bien sûr Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Seger qu'on pourrait citer comme inspiration ou comme référence pour cet album de Bobo Burns qui s'appelle Two Sides to This Town. On va en écouter un second extrait. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie justement ce morceau Adelia, si je ne m'abuse. Et nous, on va écouter un second extrait. Ça s'appelle A Jealous Kind. C'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. Got a letter from Maria. Knew her English ain't that good, but what she meant was easily understood. 'Cause if I'm gonna keep her, better get there quick. The thought of her with somebody else just makes me sick. I never drove 2 days through the pouring rain, just stopping for coffee and gas. I've never outrun the law on the interstate, Didn't know this thing could go that fast. Never been in this deep before. There's always a first time. Then again, I ain't ever been the just kind. In the mirror, blue lights in my way. Still, all I can see is her pretty face. When they give me that one phone call, well, I know what it's gonna be. Maria, would you wait one more day for me? Stopping for coffee and gas. Never I run along the interstate. Didn't know this thing could go that fast. I've never been in this deep before. There's always a first time. Then again, I ain't ever been the jet. Deuxième extrait de notre powerplay de ce soir, l'album Two Sides to This Town de Bobo Burns. Retour, si vous le voulez bien, à Angoulême, du côté de mes aventures BDS, qu'on va dire. Alors, après avoir quitté le petit déjeuner belge, eh bien, le même jour, une heure plus tard, j'étais aussi invité à une petite cérémonie du côté du stand du Hong Kong Art Center qui avait amené jusqu'en France, du côté de la Charente, eh bien, 5 artistes et qui se proposaient eh bien, d'organiser une petite rencontre autour d'un verre, petit lunch comme ça en passant, sur les 5 artistes, bah, moi j'en ai interviewé un et avant j'ai interviewé la responsable, on va dire, du stand du Hong Kong Art Center. Elle s'appelle Connie Lam. C'est en anglais, je vais vous passer l'interview. Je lui ai notamment demandé comment on pouvait caractériser le monde de la bande dessinée à Hong Kong. Donc cette interview s'est tenue au centre manga, nouvelle bulle qui a été, je pense que c'est cette année-ci qu'ils l'ont ouverte. Écoutez bien, ça dure une trentaine de secondes, cette première interview, et puis après on écoutera l'interview de Siu Fung Mak, l'un des 5 auteurs hongkongais qui était venu jusqu'à Angoulême. I'm Connie Lam from the Hong Kong Art Center. We represent the Hong Kong comics delegations to promote Hong Kong comics in the Angoulême Comics Festival. So we have 5 artists, very diverse and exciting, and also we have publishers, 1 publisher and 1 critic. So how would you describe the comic art in Hong Kong? I think they are is very hybrid. So they have inspirations by the Chinese culture, but in the meantime, there's everyone will be influenced by the Japanese manga. But in the meantime, they also are influenced by the bande dessinée. So you can see that it's really the East meets West and turn into the hybrid Hong Kong style. Voilà donc ce qu'elle disait en gros quand je lui ai demandé comment elle pouvait caractériser le style de la, ou le monde de la bande dessinée à Hong Kong. Elle disait, eh bien, voyez, on est beaucoup influencé évidemment par la culture chinoise et puis aussi par l'autre grand pôle du côté du Pacifique, les mangas japonais, mais sans oublier l'école belge ou franco-belge de la bande dessinée qu'elle voulait dire. Deuxième interview que j'ai faite là-bas, eh bien, c'est celle de Xiu Feng Mac, c'est l'un donc, des cinq... cinq auteurs qui étaient présents sur le stand. Alors c'est à la fois en chinois et en anglais, c'est assez amusant. You can introduce yourself and explain what you are doing and why you are here. 你可以講，因為我做咗好多年嘅創作啦，包括漫畫啦、動畫啦。咁呢幾年咧，我嘅動畫稍微多人知道咗。 So Max Xiu Feng just said that he has been doing comics, animations, and all kinds of creation. So because he, recent years his animation is more popular and well known for others people to know him. So that's why he's invited for to Angoulême Comics Festival this year. Did you expect to find here? He said it's more out of his expectations about the passion, what the readers here or the audience here have to pay for the comics. The comics passion is really strong, which is really impressed him on this one. 香港都有同類型，譬如漫畫節咁樣，但係都係唔能夠達到喺呢種咁嘅情緒高漲嘅效果，即係。Okay. And he said that even though Hong Kong have its own comics festival also, but it's not the same here. The atmosphere is more passionate here and more exciting here. And what about your books? Or what themes you like to develop in your books? 我今次帶嚟嘅書咧係恐怖類型嘅，咁我有之前咧做過係幾個古仔啦，咁都係恐怖類型嘅，咁今次係得到一個機會，有人幫我出書，咁我集齊咗呢兩個就出咗一本書，咁就因此又得到呢個機會嚟到呢度，我就帶呢本書嚟呢度見各位啦。咁之後嘅發展我都係會主力向動畫同埋漫畫呢方面發展嘅。 Okay, he just said that this time he bring the books. The latest publication is about the ghost story, and it's luckily that they have a publisher who just published this book for him. So it's about horror, about okay. about ghost story. So he will keep on doing animations and comics ongoing to try to have two ways to go. Okay. Voilà, donc c'était l'interview de Xiu Feng Mac, un des artistes hongkongais présents à Angoulême. Alors, je lui avais demandé ce qu'il avait marqué lors de son séjour. Il disait que c'était la passion des gens. Il était surpris. Il comparait ça à Hong Kong où là-bas, eh bien, les gens ne payent pas pour aller voir un festival comme ça. Et là, il était surpris notamment qu'il y ait tant de monde qui soit prêt à payer un pass ou un ticket d'entrée pour le festival. Ça l'a beaucoup étonné. Et puis alors je lui demandais aussi de quoi ces livres, ces bandes dessinées parlaient. Il dit, eh bien, lui, il disait qu'il a commencé à s'orienter vers le style de la bande dessinée d'horreur et des histoires de fantômes et de vampires et qu'il allait essayer de continuer dans cette veine-là parce que apparemment ça marchait assez bien pour lui de ce côté-là. Voilà, d'ici quelques minutes, on retournera là-bas avec notamment une interview exclusive du fondateur du festival d'Angoulême, il y a 46 ans. Bah oui, je l'ai retrouvé, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait une petite interview de lui, on l'écoutera d'ici quelques minutes. Pour l'heure, eh bien, on va retourner à la musique, on va écouter une autre nouveauté, un artiste tchèque qui s'appelle Enklavi Beslesia, avec son morceau qui s'appelle Gate, et puis après cela, retour sur notre powerplay, l'album de Bobo Burns, Two Sides to This Town. Thank you. ты ложку подставь, сладкий, сладкий. Voilà, nouveauté, un peu particulier, un peu original, pourquoi pas, une clavie Beslesia avec le morceau intitulé Gay, 18h06, je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie, c'est l'épisode numéro 405, nous sommes ensemble en direct, chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL, 96.6 en FM, vous pouvez nous retrouver aussi sur le câble de la télédistribution et puis dans les offres de bouquets numériques, de poste ou en Belgique, de vous et de Proximus, et puis bien entendu sur le site internet, via le streaming, et puis le podcast de cette émission sera aussi disponible sur le site internet de l'émission www.ilovemusic.ga quelques minutes après l'émission si tout va bien, c'est-à-dire si j'ai pas de problème technique pour réaliser tout cela. On va retourner donc sur l'album de Bobo Burns, un album intitulé Two Sides to This Town. Il n'y a pas de chanson qui s'appelle Two Sides to This Town, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours le cas. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le morceau Adelia qui donne eh bien, ce morceau, enfin le thème et qui a donné le nom à l'album parce que, eh bien, comme je vous le disais aussi, c'est une chanson que Bobo Burns a écrite après être retourné dans cette ville de son enfance, cette ville là où il a grandi. Et où il ne se sentait plus à la maison. Bah oui, ça peut arriver, c'est parce que ça a changé et parce que notamment il y a eu cette division entre les gens et aux États-Unis. Il y a d'autres chansons qu'on peut mettre en évidence, la chanson Massachusetts notamment, où Burns est accompagné à la chanson par son épouse Tracy Burns, qui elle joue de la guitare basse. Et puis il y a le morceau Welfare Cadillac, c'est celui qu'on va écouter, qui se présente eh bien, comme un jeu d'appels et de réponses avec les cuivres et la guitare de Danny Ott. Je vais vous donner aussi l'adresse de son site internet, vous tapez simplement www.boboburns.com. Alors Burns, ça s'écrit avec un Y, donc B-Y-R-N-E-S. Et puis vous êtes redirigé, ne soyez pas surpris, vous êtes redirigé sur le site thefallenstars.com. C'est le site eh bien, d'un des groupes avec lesquels il joue assez régulièrement. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure en le présentant dans la première intervention. Ah, voilà, je vous propose donc d'écouter Welfare Cadillac, troisième et dernier extrait de notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. That's me on the side of the road. That's me pushing my car. I know just where I'm at. No chance that this is just a fact. I'm as serious as a heart attack. I love my welfare Cadillac. Oh, oh, oh, oh. Welfare Cadillac par Bobo Burns, troisième et dernier extrait pour notre powerplay ce soir dans Planet Indie. On poursuit avec ce duo qui réunit Danijela Jovic, pardon, de Belgrade en Serbie, et John Campopoulos, alias John Camp, qui est lui grec, un duo improbable, et ça s'appelle Carpe Diem. Et puis restez bien à l'écoute, parce qu'après cela, vous découvrirez l'interview exclusive que j'ai eu l'occasion de faire avec le fondateur du festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est tout de suite dans 3 minutes 30. Carpe Diem, profiter de la vie, collaboration entre Danijela Jovic et John Campopoulos, et je ne désespère pas d'avoir de nouvelles productions de cet artiste à vous proposer dans les prochaines émissions. Retour pour la dernière fois en principe à Angoulême, donc je vous disais qu'on va écouter le fondateur du festival. Il s'appelle Francis Grou, je l'ai rencontré un petit peu par hasard, je dois dire, je commençais... je suis passé devant une grande vitrine, c'était mi-association Festival de la bande dessinée. Il y avait à l'étage une exposition de bande dessinée réalisée par des détenus, parce qu'ils avaient organisé un petit concours dans les prisons de France. Et puis en redescendant, je commence à discuter un peu avec une personne, et puis je commence à lui demander « Ah bah, je peux vous enregistrer je pouvais me parler des tout débuts du festival, et puis la personne me dit « Ah, mais vous êtes le fondateur, il est là, allez l'enregistrer plutôt lui. » Donc voilà, je l'ai rencontré, et puis je lui ai demandé comment est-ce que ça s'est passé, la création ou la naissance de ce festival, et donc voici ce qu'il a raconté. Comment ça s'est passé la première fois, la première édition D'accord, du okay. festival bon. Alors donc, je m'appelle Francis Groux et j'étais donc conseiller municipal en Angoulême. J'ai occupé la présidence de la commission culturelle et je lisais une revue qui s'appelait Phoenix et dans laquelle, qui était dirigée par Claude Moliterni, qui lui connaissait les auteurs de bande dessinée et connaissait les éditeurs. Donc, quand on a envisagé de faire quelque chose sur la bande dessinée, d'abord moi j'étais animateur dans les maisons des jeux de la culture, donc j'avais déjà fait des petites expositions sur la bande dessinée, et puis après on a dit on a fait une quinzaine de la lecture avec les libraires angoumoisins, et Moliterni s'est débrouillé pour qu'il y ait déjà des auteurs qui viennent, etc. Et pas des moines, il y avait Franquin, il y avait Tillieu, Peyot, enfin etc. Donc on a fait ça dans les couloirs du musée, avec des tréteaux qui servaient à faire ça. Et pour la petite histoire, parmi les gens qui étaient là, il y avait quelqu'un qui faisait un fanzine. Et ce fanzine, j'ai dessiné dedans. C'est Jacques Glénat, qui est devenu le plus grand éditeur à l'heure actuelle. Voilà. Donc, et puis il y avait également Futuropolis, avec Florence. Voyant que ça avait marché, on dit on va essayer de faire un festival, enfin un salon. On savait qu'à Lucca, il y avait un festival. Lucca, c'est à côté de Pise, en Italie. Donc, j'ai demandé à Moliterni, j'ai dit, pensez-vous, on disait vous à l'époque, pensez-vous qu'on pourrait leur demander qu'on les copie? Il m'a dit, moi, je ne peux pas décider pour là, mais pour une fois que quelque chose se fait en province et que ce n'est pas à Paris, je veux bien vous recommander à Lucca. Donc, on est parti au mois de novembre à Lucca. On est parti à Lucca, on a rencontré le maire et puis les organisateurs de ce petit festival. Et on leur a proposé de les copier. C'était au mois de novembre. On a vraiment tout copié ce qu'ils faisaient. Et en janvier, on faisait le premier, ce qu'on appelait salon international. Voilà. Et dès la première année, il y a eu plus de 10 000 visiteurs à l'intérieur du musée. Là, et moi je pensais qu'au départ, on allait voir les gosses. Puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que moi qui était frappé. Donc, ça a très très bien marché, quoi. Hein. Et chaque année, on doublait le chiffre. Et comme président d'honneur, au départ, moi j'avais dit quel est celui qui symbolise vraiment la bande dessinée française. Pour moi, c'était Alain Saint-Aignan et Ziggy Puce. Donc, le premier petit personnage que l'on remettait, c'était le pingouin Alfred. J'avais donc demandé à Saint-Aignan de venir, et la première m'a dit je ne peux pas venir, on vient de me couper la jambe. Mais je viendrai l'an prochain, et l'année d'après, il était mort. Donc, quid de devenir l'avenir des festivals. Donc, j'avais entre-temps fait connaissance de Louis Gérard, qui était un des directeurs de chez Casterman, et je lui avais dit oui, pensez-vous que Hergé accepterait d'être président d'honneur du salon? Il m'a dit, je vais lui poser la question. Hergé a dit oui. Et j'ai continué sur ma pression de dire à Casterman, enfin à Louis Gérard, est-ce que Hergé accepterait de venir à Angoulême? Et Hergé, qui était celui qui ne participait pas à ce genre de choses, est venu la quatrième année. Et nous avons descendu ensemble la rue Hergé. Pourquoi là? Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Tout le monde savait, Hergé, sa venue a officialisé l'affaire. Alors, une des particularités que l'on a, qui au départ était une gêne, c'est que nous n'avons pas un grand emplacement pour pouvoir faire les... On dit, on va s'installer partout. Alors, dans tous les petits locaux que l'on peut avoir, mais surtout, on va commencer à faire des bulles. Ça a été le début des bulles, ce que faisait Lucca aussi, ils avaient fait des bulles. Donc, on en a installé partout, et ça, c'était la solution. Ça a été formidable. Tous les angoumoisins, maintenant, c'est devenu leur festival. Alors, pendant 10 ans, on a appelé ça un salon international, et à partir de la 10e année, on a appelé ça un festival. Voilà. Et depuis, on a continué toujours à progresser. Tous les plus grands noms sont venus. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a eu 220 000 personnes dans une ville de 40 000 habitants. Je crois que c'était la bonne idée au bon moment. Voilà, la conclusion, c'était la bonne idée au bon moment. Et puis quand il parlait des bulles, donc les bulles qu'ils ont installées un peu partout, ces tentes, ces chapiteaux hein, en dur où, sous lesquels eh bien, se retrouvent les exposants, les grandes maisons d'édition et puis d'autres. Il y a des bulles thématiques, il y en avait une notamment sur la gestion des droits et comment faire reconnaître ces droits pour les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes. Donc voilà, c'était l'interview de Francis Groux, le fondateur du Salon d'Angoulême. Ça a commencé comme un salon et puis c'est devenu le festival que l'on connaît. Allez, on poursuit en musique avec Michael Ryan, le morceau Energy. Doucement à presser, on va profiter que ce morceau est pratiquement instrumental ainsi que le dernier pour passer en revue en vitesse la programmation de la Rocale. Soit dit en passant, je suis allé voir, c'était mercredi, le spectacle Thriller. C'était vraiment très très bien, très impressionnant. Si vous avez l'occasion d'y aller ou si vous allez dans le West End à Londres de bientôt, allez-y, ça valait vraiment la peine. Et d'ailleurs, le même organisateur vous présentera Cats entre du 5 au 10 février. Ce sera le spectacle 4 à la Rocale, donc si c'est du même niveau, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas, ça vaudra la peine. Si vous aviez prévu d'aller voir les Contes d'Hoffmann aujourd'hui, eh bien c'est annulé. Demain c'est Behemoth plus At the Gates plus Wolves in the Throne. Le 13 février, Buffalo Sea Wine. Ensuite, le 15, Good Charlotte. Le 16, Jan Tiersen. Il jouera aussi, mais ça se passera à la Philharmonie, hein. Et il jouera aussi en matinée. Le 18, Russ Against. Le 20, Mac Giesinger. Le 21, Les Négresses Vertes. Le 22, Eros Ramazzotti. Le 23, The Grunge Club. Le 26, Cococo. Et le 1er mars, Giorgio. 1er mars, eh ben nous le 2, c'est la date de notre prochain rendez-vous pour l'émission numéro 406. Je devais vous parler aussi du festival du film de Mons, anciennement festival du film d'amour, parce qu'il n'a pas eu lieu l'année dernière, il va renaître quelque peu de ses cendres après les quelques petits soucis qu'il a eus. Donc ça va commencer d'ici 15 jours, donc ce ne sera pas ce vendredi-ci, ce sera le vendredi suivant, ce sera le 15 si je ne m'abuse. Je vais essayer de vous en dire un peu plus au cours eh bien, de l'émission du mois de mars, allez faire un petit tour par là aussi. Et puis, il y aura le festival du film de la ville de Luxembourg aussi, mais ça, on en parlera aussi au mois de mars. On va se quitter avec un groupe, un artiste belge, il s'appelle Anand Takara. Ils interprètent Momentum, c'est de la musique zénitude, méditation. Et bien, on va se dire au revoir comme ça. On se retrouve donc le 2 mars, entre 17h et 18h30 sur ces mêmes fréquences. N'oubliez pas notre site internet, www.ilovemusic.ga. Vous retrouverez la playlist, le podcast et puis toutes les informations sur... Bobo Burns et sur le festival d'Angoulême avec plein de liens, eh bien, c'est ça, c'est dans notre groupe Facebook Planet Indie. On espère vous y retrouver très bientôt. Je vous ai donné l'adresse de notre site internet www.ilovemusic.ga. Allez, je me tais, on laisse Anand Takara terminer cette émission. Rendez-vous donc le 2 mars, 17h-18h30, et puis cette émission sera rediffusée aussi demain. Bon week-end, à bientôt.